Chapitre 5. Machine infernale. Paix de Lunéville. Je revins à Paris vers le mois de novembre 1800. La paix n'était point encore faite, quoique Moreau, par ses victoires, la rendit de plus en plus nécessaire aux puissances étrangères. N'a-t-il pas regretté depuis les lauriers de Stockach et de Hohenlinden, quand la France n'a pas été moins esclave que l'Europe, dont il la faisait triompher? Moreau n'a vu que la France dans les ordres du premier consul, mais il appartenait à un tel homme de juger le gouvernement qu'il employait, et de prononcer lui-même, dans une pareille circonstance, quel était le véritable intérêt de son pays. Toutefois, il faut en convenir, à l'époque des plus brillantes victoires de Moreau, c'est-à-dire dans l'automne de 1800, il n'y avait encore que peu de personnes qui sussent démêler les projets de Bonaparte. Ce qu'il y avait d'évident à distance, c'était l'amélioration des finances et l'ordre rétabli dans plusieurs branches d'administration. Napoléon était obligé de passer par le bien pour arriver au mal. Il fallait qu'il accrût les forces de la France avant de s'en servir pour son ambition personnelle. Un soir que je causais avec quelques amis, nous entendîmes une forte détonation, mais nous crûmes que c'était des coups de canon tirés pour quelque exercice, et nous continuâmes notre entretien. Nous apprîmes, peu d'heures après, qu'en allant à l'opéra, le premier consul avait failli périr par l'explosion de ce qu'on a appelé depuis la machine infernale. Comme il échappa, l'on ne manqua pas de lui témoigner le plus vif intérêt. Des philosophes proposèrent le rétablissement des supplices de la roue et du feu pour les auteurs de cet attentat. Il put voir de tous côtés une nation qui tendait le cou aux joues. Il discuta chez lui fort tranquillement le soir même ce qui serait arrivé s'il eût péri. Quelques-uns disaient que Moreau l'aurait remplacé. Bonaparte prétendait que c'eût été le général Bernadotte. Comme Antoine, dit-il, il aurait présenté au peuple ému la robe sanglante de César. Je ne sais s'il croyait en effet que la France eût alors appelé le général Bernadotte à la tête des affaires. Mais ce qui est bien sûr au moins, c'est qu'il ne le disait que pour exciter l'envie contre ce général. Si la machine infernale eût été combinée par le parti jacobin, de ce moment le premier consul aurait pu redoubler de tyrannie. L'opinion l'eût secondé, mais comme c'était le parti royaliste qui était l'auteur de ce complot, Bonaparte n'en put tirer un grand avantage. Il chercha plutôt à l'étouffer qu'à s'en servir, car il souhaitait que la nation lui crût pour ennemi seulement les ennemis de l'ordre, mais non pas les amis d'un autre ordre, c'est-à-dire de l'ancienne dynastie. Une chose singulière, c'est qu'à l'occasion d'un complot royaliste, Bonaparte fit déporter par un senatus consulte 130 jacobins dans l'île de Madagascar, ou peut-être dans le fond de la mer, car on n'en a plus entendu parler depuis. Cette liste fut faite le plus arbitrairement du monde. On y mit des noms, on en ôta, selon les recommandations des conseillers d'État qui la proposaient et des sénateurs qui la sanctionnaient. Les honnêtes gens disaient, quand on se plaignait de la manière dont cette liste avait été faite, qu'elle était composée d'hommes très coupables. Cela se peut. Mais c'est le droit, et non le fait, qui constitue la légalité des actions. Lorsqu'on laisse déporter arbitrairement 130 citoyens, rien n'empêchera ce qu'on a vu depuis de traiter ainsi des personnes très estimables. L'opinion les défendra, dira-t-on. L'opinion, qu'est-elle sans l'autorité de la loi? Qu'est-elle sans des organes indépendants? L'opinion était pour le duc d'Enghien, pour Moreau et pour Pichegru. A-t-elle pu les sauver? Il n'y aura ni liberté, ni dignité, ni sûreté dans un pays où l'on s'occupera des noms propres quand il s'agit d'une injustice. Tout homme est innocent avant qu'un tribunal légal l'ait condamné. Et quand cet homme serait le plus coupable de tous, dès qu'il est soustrait à la loi son sort doit faire trembler les honnêtes gens comme les autres. Mais de même que dans la Chambre des communes d'Angleterre, quand un député de l'opposition sort, il prie un député du côté ministériel de se retirer avec lui pour ne pas altérer le rapport des deux parties. Bonaparte ne frappait jamais les royalistes ou les jacobins sans partager les coups également entre les uns et les autres. Il se faisait ainsi des amis de tous ceux dont il servait les haines. On verra par la suite que c'est toujours sur la haine qu'il a compté pour fortifier son gouvernement, car il sait qu'elle est moins inconstante que l'amour. Après une révolution, l'esprit de parti est si âpre qu'un nouveau chef peut le captiver encore plus en servant sa vengeance qu'en soutenant ses intérêts. Chacun abandonne, s'il le faut, celui qui pense comme lui, pourvu que l'on poursuive celui qui pense autrement. La paix de Lunéville fut proclamée. L'Autriche ne perdit dans cette première paix que la République de Venise, qu'elle avait reçue en dédommagement de la Belgique. Et cette antique reine de la mer Adriatique repassa d'un maître à l'autre après avoir été longtemps fière et puissante.